cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى علاج الاختلاف الناس بين أهل السنة المعاصرين. Après avoir cité les méfaits de la division et avoir conseillé بالاجتماع et de se rassembler على الحق, فالشيخ رحمه الله تعالى il va citer العلاج et comment remédier à cette division, à cette divergence entre Ahl al-Sunnah. قَالَ إِنَّ الْإِخْتِلَافِ النَّاشِ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ يَزُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ بِأُمُورِ. Chaque maladie, chaque problème, il y a une solution. لكن, أولاً, il faut avoir une bonne niya, rechercher الحل. فلا شك أن السنّي لا يرضى بالتفرق, la division. خاصة entre Ahl al-Sunnah. فلا يرضى بذلك, il n'aime pas la division. لكن, la première étape, c'est vouloir Al-Khayr wal-Haq, c'est vouloir se rassembler à l'Al-Huda, rechercher comment se rassembler à l'Al-Haq. Hada, c'est important. Allez, Hada, Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, il te cite la méthode, il te cite Al-Dawa, après avoir cité la maladie, la division, il te cite le remède. Al-An. Qala, minha, tahkimu al-kitabi wa sunnah. قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Revenir au Coran et à la Sunna. فالاختلاف يحصل. التفرق, ça peut arriver à cause du shaitan, à cause d'une mauvaise intention, à cause d'un énervement. لكن pour se rassembler, تحكيم الكتاب والسنة. Si on n'est pas d'accord dans un sujet où il y a eu un problème, on revient au kitab et à la sunna. Ça, c'est important. On n'est pas ma'soum min al-khata. On peut tous se tromper. Et on se trompe tous. La seule solution pour se rassembler, c'est de revenir au haqq. Kitabullah azza wa jal wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-wahi. Il n'y a que la révélation qui pourra nous rassembler. Amma kullu wahid yata'assab li ra'yih. Chacun, il s'entête à suivre son avis. Et il suit son cheikh aveuglément. Alors, chacun se rassembler, ça sera très difficile fi hadha al-hal. C'est pour ça que Cheikh Mokbil, il a cité ce point. In tanaza'tum fi shay. Si vous divergez dans un point sur un sujet, farudduhu ila Allahi wa rasul. أي إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le seul moyen. أما l'entêtement, l'avis d'un cheikh, فلان il aura l'avis d'un cheikh et le deuxième il aura l'avis d'un autre cheikh. ربما le premier il a l'avis d'un imam de la sunna, le deuxième كذلك il a l'avis d'un imam de la sunna. Est-ce que ça va nous rassembler là? Ce qui rassemble c'est le haq, c'est le kitab ou la sunna. قال وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Si vous divergez, fichez dans une chose, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Le حُكْم, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. أي المحق, celui qui a raison, c'est celui qui a le حُجَّة وَالدَّلِيلِ مَعَهُ. هَذَا هُوَ الْمُصُوف. Et celui qui se trompe, qui a contredit la vérité, c'est celui qui خَالَفَ الْحُجَّة وَالدَّلِيلِ. Il n'y a pas de place في هذا الحال à فلان, il a toujours raison, أو الكثرة. Et beaucoup de gens, ils disent au Fulan, il vient de telle contrée, de tel pays, il n'y a pas de place pour ça. La seule chose qui nous montrera que le qawl, il est sawab, c'est est-ce qu'il y a un dalil amla. Fahukmuhu ila Allah. Ça nous montre, si on diverge dans un point, que ce soit dans une mas'alat fiqh, que ce soit ferajul, une personne, on diverge. Est-ce qu'il est à l'al-haq, il est à la batil, est-ce que c'est un sunni, est-ce que c'est un mubtadi'? La seule solution pour se rassembler, c'est de revenir au haq. مثلاً فلان il a critiqué un tel, c'est quoi ton délil? S'il a un délil, c'est lui qui a sawab. Même si un autre il dit là, il est à la khayr. لماذا لأن الدليل ça passe avant. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. Ne pas se précipiter à choisir un qawl, à suivre un tel. Là, ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Celui qui veut le haq, quand il y a une divergence, cherche un dalil, cherche la preuve. فلا تغتر بالكثره. C'est pas que beaucoup de gens disent un qawl, c'est forcément la vérité. Là, la تغتر انه c'est fulan, forcément un tel, il a dit une parole, c'est forcément il a le haq. Pourquoi? لان c'est un tel qui l'a dit. Là, personne n'est ma'soum, il peut se tromper. Allez, hada, rechercher le hujja et demander le hujja. Et la preuve, le dalil, c'est muhim. Bidoun ta'assoub. Insafun. Lakin, tout ça, fal haqiqa, on est obligé d'appliquer le deuxième point qu'il a cité. Qala wa minha su'alu ahli al-ilm min ahli al-sunnah. On est obligé de revenir à ahli al-ilm. Li'annahum, c'est eux qui connaissent le hujja. Amma wahad idela saqwal ahli al-ilm et prétend. Il prétend avoir trouvé le haq tout seul, alors que les ulama, ils n'ont jamais dit son qawl. Fahada, c'est min al-inhiraf. Enfin, revenir à Ahlul Ilm. Ça ne veut pas dire qu'on revient à un savant en particulier. Là, Ahlul Ilm, tant que c'est des ulama, min ulama al-sunnah, enfin, on revient à eux. Et s'ils divergent, on est obligé de chercher le haq. Li'anna, ba'd al-nas, yaqouloun, il faut revenir à Ahlul Ilm. Et ça c'est haq. Lakin, quand il y a divergence entre l'ulama, t'es obligé de chercher le hujja ou le dalil. Si les savants ils ont divergé, et wahid nous dit il faut revenir aux savants, lesquels? Il faut revenir aux savants, lakin, tu reviens aux savants, pourquoi? Parce qu'il a le haq. Ben, s'il y a une divergence, tel shir il a dit fulan c'est un sunni, un autre il dit fulan c'est un munharif, tu regardes l'adil. Pourquoi un tel il l'a critiqué? Est-ce qu'il a un délit? Si il a cité des adillah, c'est un munharif parce qu'il a dit dans tel livre kada, parce qu'il a dit dans tel audio kada, ils ont témoigné à Nahou, il a fait kada, il a été conseillé, il veut parvenir, là chaque année on prendra ce qawl. Il a cité des preuves. Sinon on demande à un autre, il nous dit il est masha'Allah, il est ala khayr. Avec ce cas, là chaque on va prendre le qawl de l'autre savant. L'imam al-Anna, il a cité des preuves pour appuyer al-jarh. Ah, c'est muhim. Et l'autre savant, on le respecte. Il a parlé avec les informations qu'il avait. Obama, il connaissait le hal de cette personne avant. Thumma ba'd al-inhiraf, il n'a pas su, il n'a pas suivi cette affaire. Il n'a pas le temps, il a arrêté. Fayad al-hal, on respecte le savant qui dit que Fulan il est à la haq. Et on prend le qawl de celui qui nous montre annahu c'est un munharif. Hakada fi masa'il al-fiqh. Tel savant il dit c'est une sunna, un autre savant il dit c'est pas une sunna. On fait des recherches et on trouve celui qui a dit c'est une sunna. يذكر الأدلة الدليل أن سين سنة تل حديث ثم يسيت تل كومبانيون رضي الله عنه il a dit ثم يسيت السيت et l'autre savant il dit c'est pas une sunna et هكذا il a pas su que c'était une sunna. Enfin, la chèque on va prendre le قول c'est une sunna لأنه il a argumenté avec des hadith et des paroles des compagnons رضي الله عنهم. لكن pour arriver à choisir al-sawab idha ikhtalafa al-ulama la bud min insaf wa ikhlas. Amma al-ba'd 'iyadan billah al-hawa annahu idha hasala khilaf il prend parti avant d'avoir étudié. Et ça c'est une maladie, c'est le hawa, al-hadr. Quand il y a un khilaf bayna ahl al-'ilm bayna ahl al-sunnah, ne prend pas parti au départ. Udrus, fais attention al-hawa. Ba'd an-nas ya khilaf bayna ahl al-'ilm, son cœur avant d'avoir étudié, il penche d'un côté. Le fait que son cœur y penche, c'est ça le hawa. Amma sunni sadiq al-thabit, il recherche. Le haq, c'est pas forcément avec le plus vieux. Le haq, c'est pas forcément avec le plus nombreux. Le haq, c'est pas forcément avec le plus ancien. Le haq, c'est pas forcément avec celui qui a le plus de ilm. Là, tu peux avoir un imam de la sunna, il a beaucoup plus de ilm qu'un autre shaykh. Et l'autre shaykh, il a sawab dans ce point. Ça veut pas dire qu'il a plus de ilm. Ah, là, c'est ça le haq. Lakin, c'est quoi qui va nous aider, nous? C'est à revenir à Ahl al-Ilm. Ta'ammalou les étapes. Revenir au Kitab à la Sunna. Pour revenir au Kitab à la Sunna, khasatan à notre niveau, on est obligé de revenir aux savants. C'est eux qui vont nous montrer les adillas du Kitab wa Sunna. Thumma qala, lakin, ba'd talabat al-Ilm, radiya bima indahu min al-Ilm, wa asbaha yujadil bihi kullu man yukhalifu. Et ça, c'est une maladie. Anna al-ba'd, ils ont étudié. Rubama la langue arabe, rubama shay min al-Qur'an, certains kutub, des assises avec Ahl al-Ilm. Thumma, yadkhuluhu al-ghurur. والعجب والكبر. Et il pense que le haq c'est forcément ce qu'il connaît lui. قال الشيخ مقبل واصبح يجادل به كل من يخالفه ثم يجادل si un il le contredit جدال الرفق والحكمة الطيب والتأني. Ne te précipite pas, akhi al-karim. Ne te précipite pas quand quelqu'un est au khalif et tu te précipites بكلام شديد انه ton قول il est باطل ان هذا c'est كلام اهل البدع و مثل هذا. Là, c'est ton frère à la sunnah. Écoute ce qu'il a à te dire et ne te précipite pas. Et étudie le masail et reviens à Ahlul Ilm. Limada, à l'époque où on vient, on trouve un Ahlul Ilm, walillahil hamd, yatakallamuna bihudu. Vous avez remarqué? Il parle avec sagesse, rifq, hikma, douceur. Tu trouves certains min talabat al-ilm, shidda, wa unf, wa ujb, wa ghurur. Pourquoi? C'est quoi qui fait la différence? C'est niya. أن العالم إلى البنية كذلك الإكسبرينس العلم أن العالم إلى de l'expérience il a vécu certaines choses et il sait qu'il faut de la hikma tout doucement. أما البعض ils sont motivés, il a appris une masala, il pense que celui qui khalif cette masala c'est forcément un égaré. Là, là, faut voir pourquoi il a khalif. Il faut voir أولا est-ce que c'est toi qui as le haq. فكم من الناس il reproche aux autres des choses alors que le batil il est avec lui et le khata il est avec lui. لهذا نحن دائما نقول إخوان فدزفر في العلم ولا تستعجلوا لا تستعجلوا. Ne pensez pas que certaines مسائل c'est clair pour tout le monde. أن ce que tu as compris tout le monde le comprend. لا. قال الشيخ مقبل وهذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. لا شك أن هذا ça va diviser. Ce talib il revient plus à أهل العلم. أنه il pense qu'il a appris et vous avez remarqué que ce kalam, Cheikh Mokbir, rahmatullah alayhi al-an, il le cite dans le point revenir aux savants. Su'al ou ahl al-ilm. Et madri, est-ce qu'on a lu le dalil? Là, on répète su'al ou ahl al-ilm min ahl al-sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Ça nous montre revenir à ahl al-ilm. Thumma qal, walakin ba'd talabat al-ilm, radiya bima indahu min al-ilm. Il a étudié un peu, ou beaucoup, et il pense que il peut comprendre tout seul et il ne revient plus à Ahl al-Ilm. Et c'est ça qui cause les fitnes. En talib al-Ilm, tu reviens aux ulama, al-kibar, al-rasikhin, vil-Ilm. Et eux, ils vont te démontrer beaucoup de choses que tu ne comprends pas, que tu ne savais pas. Ils vont t'éclaircir. Ils vont te démontrer comment te comporter face au khilaf. قال الشيخ مقبل وهذا سبب من أسباب الفرقة. والاختلاف روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث démontre أن une des causes de l'égarement c'est le jidal. Le jidal c'est la polémique. C'est parler pour défendre son nafs. Et katrat al-kalam. Ba'd an-nas, iyadan billah, yujadilun sa'at. Surtout l'an, ma'a hadhihi al-musiba. Internet et les réseaux sociaux. Jidalun wasil. Ça provoque quoi? Al-inhiraf wa al-tafarruq. Mettez vos forces fil ilm et délaissez al-jidal wa ahl al-jidal. Vous avez remarqué que ça fait des années qu'il y a al-jidal et les problèmes ils sont toujours là. Les problèmes ils se règlent pas avec le jidal, les problèmes ils se règlent avec l'ilm et revenir à ahl al-ilm. Amma al-ulama ils conseillent une chose, thumma tu trouves ahl al-farq wa al-hawa wa al-jahl sur internet ils contredisent. Al-ulama ils disent taisez-vous et certaines masail laissez ahl al-ilm yansahoun et ils règlent wa yubayyinoun et tu trouves al-juhal sur internet et autres ils amplifient les choses. Antum ihdharu min hada, rentrez pas dans ce système. Wallahi, ce système de réseaux sociaux, d'internet, c'est tout fait, c'est facilité pour le jidal. Une masala sur internet, tu trouves des commentaires jidal sa'at. Aïna l'ilm. Pourquoi on polémique sur des choses où il y a divergence? Pourquoi on ne fait pas des efforts sur les choses wadiha? Comme min al-ikhwan, ils ne connaissent pas shurut la ilaha illallah. Ils ne connaissent pas tafsir al-fatiha. Ils n'ont pas étudié des livres très simples de base, Kitab al-Tawhid, al-Wasitiyya, tous ces kutub muhimma que l'ulama conseille. Thumma on délaisse tout ça et al-jidal al-batil. On fait des efforts fil ilm. Et nansur al-haq. Hada la budda min. Lakin, pour Nsar al-Haq, il faut avoir des bagages, il faut avoir un minimum. Amma al-Hawa, iyadam billah, ça fait que du mal. Qala Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, wa minha, al-iqbalu ala talab al-ilm. Pourquoi il a cité ce point là? Après avoir cité al-Jidal, la cause de Jidal, c'est le Jahl. Et toutes ces fitaines et cette division, c'est les causes, c'est l'ignorance. Al-iqbalu ala talab al-ilm. Si tout le monde fait des efforts fil ilm, tu verras les fitaines s'éteindre l'une après l'autre. لأن الحق يظهر avec العلم فإذا نظرت إلى قصورك بل إلى أنك لست بشيء إلى جانب العلماء المتقدمين كالحافظ ابن كثير ومن تقدمه من الحفاظ المبرزين في فنون شتى إذا نظرت إلى هؤلاء الحفاظ شغلت بنفسك عن الانتقاد عن الآخرين ça c'est un imam في الجرح والتعديل qui dit ce كلام il avait de la khibra رحمة الله عليه في هذا الباب أن تفعل des efforts في طلب العلم et si tu fais des efforts في العلم tu vas te rendre compte le niveau qu'ils ont atteint بعض الأئمة il a cité l'exemple de الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير c'est un imam في السنة في التفسير في العقيدة في الفقه في التاريخ il a écrit des livres dans plusieurs domaines رحمة الله عليه ces livres c'est des références son Coran c'est une référence son livre في المصطلح c'est une référence الباعث Son livre, fi at-tarikh, l'histoire, c'est une référence. Al-bidaya wa al-nihaya. Comme de livres il est. Al-fusul, al-sira, il a des ouvrages de référence dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme min kutub il a écrit. Si tu fais des efforts fil ilm et tu étudies la biographie de Haoula, tu vas savoir en parler dans certains sujets, tu devras pas. Wallahi, c'est aib. Lakin, si tu étudies l'ilm, et tu sauras c'est quoi manzilat al-ulama faliyada qal shaykh muqbil idha nadarta ila haoula al-huffad shughilta bi nafsik tu vas comprendre là t'as une énorme faiblesse t'as d'énormes manquements enfin, tu vas faire des efforts sur ton nafs faliyada qal shughilta bi nafsik an al-intiqad ala al-akharin amma da'ima al-intiqad sur les autres surtout tes frères al-sunna واحد il a fait une erreur un tel il a fait un tel il a dit بعضهم الان تعلمون انهم يزكوا des دروس والله c'est pas pour l'istifada يسمعون بعض دروس c'est pas pour يستفيد cherche des erreurs t'as dit dans tel درس t'as fait تقول الله c'est pas ça العلم écoute لتستفيد بعضهم ينتقد et quand tu viens rechercher c'est lui qui se trompe فلان il a dit dans tel درس pour lui c'est une erreur tu lui expliques في الحقيقه il a cité quelque chose de clair لكن pourquoi il a cru que c'était une erreur الجهل Et pourquoi il a cité cette erreur? Il y en a, il écoute avec cette niya. Est-ce qu'il a fait une erreur, Amla? Écoute les tastafid. Écoute Ahl al-Ilm wa tastarih. Al-Ulama wa Allah al-Hamd, ils ne sont pas ma'asoum. Lakin même si une erreur, elle ne te fera pas de mal, wa Allah al-Hamd. Si tu fais des efforts fil ilm, tu trouveras al-haq. Ahada, c'est ça qui est muhim. Al-iqbalu ala al-ilm. Qala wa minha. An-nadhar fi ikhtilaf al-sahaba radiyallahu anhum. فمن بعدهم من العلماء المبرزين إذا نظرت إلى اختلافهم حملت مخالفك على السلامة. Savoir comment se comporter avec l'ikhtilaf. Si tu diverges avec ton frère. الصحابة رضي الله عنهم ils ont divergé dans certains points. Ça soit في الحج, que ça soit في الصيام, que ça soit في الصلاة. Celui qui a étudié le fiqh, كم يمر عليه. Ibn Mas'ud رضي الله عنه il a choisi tel avis. Abu Huraira radiyallahu anhu il a un autre avis. Abu Bakr radiyallahu anhu il a un avis. Umar radiyallahu anhu il a un autre avis. Si tu étudies leur sirah, leur biographie, tu vas voir comment ils se comportent. Rahma et chacun il respecte l'autre, chacun il aime al-haq pour son frère et il s'entraide wallahi alhamd. Wa hadha al-khilaf fi al-fiqh ça fait aucun mal. Mujtahidun a'imma walhamdulillah chacun il veut le haq. Amma Al-Jahl, quand il diverge avec son frère Rubama, dans une mas'ala, fait le fiqh, ça ne doit pas pousser à se diviser. Abadan. Lakin, tu trouves Ba'd al-Juhal, Wallahi, Hajr, Wassab, Wassatm. Pourquoi il y en a son frère, il a un autre qawl et il pense que son frère, il s'est égaré, Iyadam Billah. Al-Jahl, l'ignorance. Enfin, connaître comment Sahaba, radiyallahu anhum, ils se sont comportés, fait le khilaf. Kadhalik al-Ulama. علماؤنا المعاصرون ils ont divergé dans certains points. Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi il a divergé dans des masaïl avec Cheikh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Cheikh Tawajir rahmatullah alayhi il a divergé dans beaucoup de masaïl avec Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Et des rudud ils ont été écrits lakin ihtiram wa mahabba. Hatta des rudud des répliques dans des livres. الشيخ تويجري رحمة الله عليه من كبار علماء العصر مجاهد رحمة الله عليه إلى رد على كثير من أهل البدع والأهواء رحمة الله عليه إلى يكخين رسالة Il n'était pas d'accord avec Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans certaines masa'il, fi sifat al-salat. Il a écrit des tambihat. Anna Cheikh Al-Albani, il avait des avis fi comment faire la salat. Cheikh Touidjili, il a écrit un rad. Lakin, bi-ihtiram, bi-hikma, surtout bi-ilm. Et son but, c'était le haq. Il a su que le livre Cheikh Al-Albani s'est propagé d'Iddan, et il a voulu conseiller et il a montré. Cheikh Al-Albani, kadalik, il a rad à la Cheikh Touidjili dans des masa'il, que ce soit fi l'hijab ou autre. Lakin, À l'époque, quand il demandait à Cheikh Al-Albani sur Cheikh Touidjili, écoute la réponse. Thana'un wa mahabba et conseil à talab al-ilm inda. Même si on n'est pas d'accord sur tout, Cheikh Touidjili, kadalik. Bel, il rapporte anna Cheikh Touidjili, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Albani l'a visité fi Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite. Cheikh Touidjili, il était originaire de Hunak. Cheikh Al-Albani l'a visité. Faqam Cheikh Touidjili, rahmatullah alayhi, c'est lui qui servait Cheikh Al-Albani. Que ce soit le thé, l'eau et la akhira. Ndourou l'ihtiram. Quand tu lis les redos, d'urban ba'd al-jahil, ils pensent qu'ils ne s'aimaient pas. Ah, batan. Cheikh ibn Uthaymin avec Cheikh al-Albani, nefs al-shay. Cheikh Muqbil avec Cheikh ibn Baz, avec Cheikh al-Albani, nefs al-shay. Mais il faut étudier hada et appliquer. Anna, je peux avoir un avis fil fiqh et un tatu un avis différent. On est des frères. L'essentiel, c'est al-ittiba'. Je veux le haq, tu veux le haq. Je me suis trompé, montre-moi, tu t'es trompé, je te montre. Si chacun on a notre avis avec des adillah, on a fait un effort, alhamdulillah. T'es mon frère avec tel avis, moi je suis ton frère avec mon avis, et on avance. Qala, na'am, faman ba'dahum min al-ulama al-mubarrizin, idha nadarta ila akhtilafihim, hamalta mukhalifak ala salam. Et ça c'est muhim cette niya. Anna ton frère, s'il a un autre avis, ça ne veut pas dire qu'il est ala shar. Annahu, il commence à dévier, annahu, il est mauvais là. Une bonne intention, une bonne opinion envers ton frère. Inch'Allah, il a voulu le haq. Peut-être qu'il a raison et peut-être c'est moi qui ai tort. Avec cette niya, Inch'Allah, on va avancer. Thumma at-tawadu', la modestie. Et tu écoutes ton frère ce qu'il a à te dire. Inch'Allah, on avance. Qala, wa lam tutalibhu bil khudu' li ra'yik. Et ça, c'est un marad kadalik. Wa lam tutalibhu bil khudu' li ra'yik. Et tu ne demandes pas à ton frère d'avoir le même avis que toi. Et il n'a pas le droit à la parole. Là. Et Anna, ton frère, peut-être qu'il a le haq. Peut-être que c'est une mas'ala fiha wus'a. Les ulama, ils ont un ikhtilaf kabir. Les adillah, ils ne sont pas sarih. Et bab l'ijtihad, il est maqboul fiha. Là, l'ikhtilaf, il est sa'ir. Pourquoi vouloir imposer à ton frère le même avis que toi? Là. On n'a pas imposé. Ce qui impose cette délil, c'est le haq. Si vraiment il a un égarement, fiha al-hal. On ne lui impose pas là, on lui cite l'adillah, et c'est les adillah qui imposent, et il doit se soumettre au haq. Amma dans des masa'il, l'imad a imposé à ton frère. L'imad a vouloir qu'il ait les mêmes avis que toi. Ça, fait le haqiqa, c'est le hawa. Les anna, notre but, nahnu, si on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut pour notre frère? On veut qu'il suit nous ou le haq? Est-ce que nous, on a forcément le haq? Là, et t'astarih. On ne doit pas appeler les gens à ce qu'on fait nous. Là, nous, on peut se tromper. Aujourd'hui, on dit un kalam. Le lendemain, on se contredit. On est va'i. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que chacun revient au haq. On fait des efforts pour suivre le haq. Et kadalik, qu'on appelle nos frères à hada. Amma, que wahid, il te suit dans tout. Ça, c'est min al-hawa. Ça, c'est manzilat al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui doit être suivi dans tout. Amma, là, nous, on essaye de montrer. Et les gens kadalik, nous montrent, et alhamdulillah. Qala. وعلمت أنك بمطالبته للخضوع لرأيك تدعوه إلى تعطيل فهمه وعقله. C'est comme si tu lui imposais de mettre sa raison de côté et sa compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on se bat sur la raison. Là, لكن Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi al-an, il montre que cette raison et cette compréhension qui t'aide à comprendre la vérité en étudiant les textes, en demandant aux savants, celui qui t'impose à revenir sur la vie, qu'Anahu veut t'enlever tout ça. Tu veux appeler les savants, tu veux lui montrer, il te dit là. Il veut que tu le suives. Et ça, c'est min al-hawa. Qala, wa tad'uhu ila taqlidik. Kadalik, ka'annaka, tu l'appelles à te suivre aveuglément. Ou ton shir, kadalik. Il faut être clair, on n'appelle pas à tel shir, ou abadan. On appelle au haq, le haq, il peut être avec ton shir, il peut être avec un autre. Enfin, fais attention à ça. Tu appelles à wahid, limada, li anna ton shir, il a tel avis. Là. Tu l'appelles parce que c'est le haq et il y a un dalil min al-kitab ou min al-sunnah. Ton cheikh, il a montré ou un autre, al-amr, alhamdulillah, ça. L'essentiel, tu trouveras toujours un savant de la sunna qui montre hadal haq. Enfin, on n'appelle pas un autre nufs et on n'appelle pas un autre shia. Vous avez remarqué que pendant des années, walillahi alhamdulillah, yawmina hada wa ahli sunna yantaqidun ala al-muta'assiba min ahli al-madahib. Yantaqidun. بعض الناس يتعصبون تعصب شديد لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أو لمذهب مالك رحمة الله عليه أو لإمام أحمد أو لإمام الشافعي أو أطخ رحمهم الله جميعا. أهل السنة ينتقدون هذا أي de suivre aveuglément un madhab. فنحن كذلك on n'a pas le droit de faire la même chose avec un savant contemporain. لا يجوز. لا, le savant contemporain il nous aide à comprendre le haq, c'est pas lui le haq. Et ce savant contemporain, il n'est pas ma'soum anil khata, yusib wa yukhti. On prend son qawl quand il est sawab. Kadhalik, on ne doit pas s'entêter à suivre qu'un shir et délaisser tous les autres. Là. L'anna ulama sunna wa lillahi alhamd yata'awanoun et tastafid min hadha fi hadha albab, tu peux stafid d'un autre dans ce point. Ce savant, il s'est trompé dans cette mas'ala, un autre, il a raison. Wa hagada abda ta'assoub, un shir. S'il a raison, c'est que ce sawab, si il dit le contraire, c'est forcément al-batil. Ça, c'est très très grave. L'anna, élever un shir au niveau de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est très grave. L'anna, celui qu'on doit suivre dans tout, et si on ne lui obéit pas, c'est forcément une erreur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala shir muqbil, wa taqlidu fi din haram, qala Allah ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. T'as pas le droit à ça. T'as pas le droit de prétendre une chose, suivre une chose alors que t'as pas d'ilm. Imma, t'as la capacité de rechercher, tu fais des efforts, hatta tu trouves ce ilm, et ma t'as pas la capacité, demande à ahl al-ilm, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Amma at-taqlid fala, suivre aveuglément, surtout si wahid il te montre, surtout si wahid il te conseille. Qala Cheikh al-Islam, une fa'ida que vous n'avez pas dans la risala, qala Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, kama fil fatawa, man ja'ala shakhsan min al-ashkhas غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة. Celui qui pense que son shir ou un autre shir, مهم, un shir, celui qui le suit et qui prend ses avis, il est min أهل السنة. Celui qui le suit pas, il le contredit, il est min أهل البدعة. Celui qui fait ça, قال شيخ الإسلام كان من أهل البدع والفرقة. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة لا. لماذا؟ لأن أهل السنة يعرفون que cette منزلة c'est la منزلة du prophète صلى الله عليه وسلم. أما autre que le prophète صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطي. فأنا pas le droit d'avoir un wala, un bara sur lui. Si quelqu'un est d'accord avec lui, il est à la savoir. Si quelqu'un le contredit, il est forcément sur l'égarement. عياذا بالله. On fait attention à l'hawa. On fait attention à l'hawa. Et Mouhim Hada, surtout à notre époque, cette époque de fitan ou djahl, قال شيخ الإسلام كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغيره ثم قال كان من أهل البدع والضلال والتفرق. C'est ça qui cause التفرق. C'est quoi qui cause beaucoup la division? C'est هذا التعصب. كل واحد يسنتيت des groupes. Hada, il a un groupe qui suit tel shir. Hada, il a un groupe qui suit tel shir. C'est pas ça, sunna. Sunna, c'est t'aimes les savants de la sunna, tu les respectes, et tu prends le haq, celui qui dit le haq, min ahl sunna. Et on fait attention, on cherche pas ce haq, inda ahl al-bida. Il est inda ahl sunna, walillahi l'ham. Qala Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, kama fi majmou' al-fatawa, idha ta'assaba kullu wahidin li madhhabihi, ou li shaykhihi, ou lima yara mimma yukhalif fihi salaf, فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة. C'est quoi qui pousse à la division? Quand Cheikh Ibn Baz, c'est هذا. Il s'entête à suivre un madhhab. هذا. Il s'entête à suivre son shir. هذا. Il s'entête à suivre son avis, même si ça contredit les salaf. Là, chaque ça nous divisera. Et Anna, tu trouveras toujours des gens qui suivent la vérité. Ceux qui يتعصبون, ils délaisseront cette vérité et ça fera plusieurs groupes. هذا, il n'y a pas de secret في هذا. Ce qui divise, c'est le djahl. التعصب. التعصب c'est s'entêter, suivre aveuglément. قال الشيخ مقبل إلى غير ذلك من الأدلة المبسوطة في كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. هذه c'est une فائدة. Celui qui veut plus de preuves Il veut approfondir ce sujet fit taqlid, et il le suivi aveugle. L'imam Shawkani, il a écrit une risala al-qawl al-mufid fi adillat al-ijtihad wa al-taqlid. Dernier point, قال ومنها النظر إلى أحوال المجتمع الإسلامي وما تحيط به من الأخطار وجهل كثير من أهله به فإنك إذا نظرت إلى المجتمع الإسلامي شغلت عن أخيك الذي يخالفك في فهمك. Et ça c'est important. Regarde autour de toi le hal de la umma. Al-jahl, khurafat, bid'a, bel shirk, sihr. Tout ça s'est propagé fil umma. Si tu fais attention à ça, ça va t'efforcer à faire des efforts fil ilm. Tu vas être occupé à faire da'wa tawhid pour tawhid. Tu vas être occupé à faire da'wa mise en garde contre ahl al-bid'a wal bid'a wa hakada. Et comme a dit le Cheikh Mokbil, shughil ta'an akhik. Tu ne seras plus occupé par ton frère. Daimel, regardez ton frère, et il a divergé avec toi. Pourquoi il fait ça? Et tu perds ton temps. Et ça crée des polémiques et ça divise. On doit faire attention à ne pas trop parler. Jidal, Bikatra, toujours ton frère, tu le reproches. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Un jour, il n'aura pas de patience et ça va vous diviser. Là, occupe-toi avec l'aham. Fais des efforts. Et Cheikh Mokbir, rahmatullah alayhi, il cite Hadha l'imad alayhi, il savait, rahmatullah alayhi, si on fait des efforts sur l'ilm, surtout le tawhid ou l'aqida, ça va nous prendre un long moment. Chacun va être occupé de Hadha. Il y a beaucoup d'efforts sur le qil ou le qal, internet, les réseaux sociaux, qil, qal, kalam, farah. Et fi janib al-aqida wa al-tawhid wa al-fiqh, il y a un gros manquement. C'est pour ça que l'an, vous avez remarqué que ahl al-bid'a, ils sont fi raha. Toutes ces fitaines entre ahl al-sunnah et niza'at, toute cette division, l'an al-soufiya wa al-rafidha wa al-asha'ira wa al-mu'tazila, ils sont fi raha. Hatta ba'd al-nas, l'an, ils mettent même plus en garde contre eux, ils mettent en garde que contre leurs frères. Tout ça, c'est le fruit de ces fitaines. Qala Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, وَقَدَّمْتَ الْأَهَمْ فَالْأَهَمْ. Tu vas faire passer ce qui est le plus important sur autre chose. Et Al-Muwaffaq, c'est celui qui fait passer l'Aham فَالْأَهَمْ. Al-Aham pour nous, c'est quoi, Mada? Al-Aham pour nous, c'est quoi maintenant? Al-An. C'est connaître notre aqida, connaître Tawhid. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Faire des efforts dans la langue arabe. Faire des efforts في حفظ القرآن, في حفظ الأحاديث. Faire des efforts, connaître أهل البدع والشر. C'est ça l'essentiel. Amma, la polémique avec ton frère, et toujours les mêmes sujets qui reviennent, et tu perds ton temps, tu délaisses quelque chose de aham. T'en es où dans le Coran, t'en es où dans l'aqida, t'en es où dans le tawhid, t'en es où dans da'wa à ta famille, à tes proches, t'en es où dans tout ça? C'est cette question qu'on doit se poser. Si on se pose cette question, on appliquera la nasiha de Cheikh Mokbil, al-aham, fal-aham. Sans négliger les autres choses. Lakin, commencez par l'aham. Tu trouves Adamnas, un Rabbama, un converti, vient de rentrer dans le din, et tu le trouves dans des fitans, la arabiya, la tawhid, la aqida. Il ne connaît rien, min masail al-fiqh, et tu le trouves, Fulan, il a dit, mais on m'a dit, mais. Shaitan, il les écarte du droit chemin. Al-jarh wa al-ta'dil, c'est une ibada, c'est un ilm muhim. Lakin, pour celui qui sait utiliser had al-ilm. Ne pas exagérer, ne pas délaisser le juste milieu. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم quand il a envoyé معاذ رضي الله عنه pour faire da'wah, c'est un exemple pour nous هذا. Qu'est-ce qu'il lui a dit النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فالسلوي كاد يمنكم في هذا qu'il ne perde pas son temps avec le qil wal qal, il revient à هذا. Est-ce que tu as étudié at-tawhid? Est-ce que tu as étudié la risala de Cheikh al-Islam rahmatullah alayh Muhammad ibn Abdul Wahhab kitab tawhid? Est-ce que tu as étudié nawaqid al-Islam? Est-ce que tu as étudié miftah dar as-salam de Cheikh Hafid al-Hakami, une risala tayyiba pour les débutants? Est-ce que tu as étudié les conditions de la ilaha illallah? Est-ce que tu connais l'adilla? Est-ce que tu les as appris? Est-ce que tu appliques? Est-ce que tu as appelé ta famille à hada tawhid? Si tu as un manquement via hada, repose-toi, remets-toi en question et fais des efforts via hada al-bab. Nas'alullah azza wa jal al-tawfiq wa al-sadad naktafi bi hada al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Prochain dars jeudi, on essaie de finir cette risala insha'Allah ta'ala. Et on continue à avancer dans notre dars fi siyam. Et on répète, jeudi, ça sera le dernier cours. ثم يرى une brève coupure d'une dizaine de jours ou أقل ou أكثر قليلا. Et après, Inch'Allah, on reprend nos dourous avant Ramadan. بإذن الله. حياكم الله.